et la mer se ressemblent. Quand le soleil se lève de ses cendres, quand la nuit a fait son lit, je pense à toi. Le jour m'apporte ton visage. Alors dans le large, tu t'amuses, tu nages. Je te suis vers ce paysage. Vois comme le ciel et la mer se ressemblent quand le soleil se lève de ses cendres, quand la nuit a fait son lit, je pense à toi. Près de l'étang endormi, je t'aime, je l'ai senti. Tes frères et mains n'ont pas menti. Tout tendrement, je les ai pris. Je pense à toi.